pas dit qu'Alzheimer ne s'en prenait qu'aux vieux. Je dimanche cette rumeur et vous en parle un peu. J'ai des trous de mémoire, je ne trouve plus mes mots. Mais bon, je garde espoir, il paraît qu'il le faut. Je peux plus parler à personne, je souffre tout le monde. On les voyait pour des consonnes, on n'écoute pas plus de secondes. Je dis un truc pour un bidule, et puis machin pour chose. À mon âge, c'est quand même trop nul de voir la vie en névrose. La vie en névrose. Moi qui étais perspicace, mes propos ne veulent plus rien dire. Je ne serai plus jamais loquace, et je m'inquiète pour mon avenir. Plus ça va, moins je me rends compte que je n'ai plus toute ma tête. Et pour que mon moral remonte, je me dis que ça reviendra peut-être. Peut-être, je sais pas. Je peux plus parler à personne, je souffre trop tout le monde. Je prends les voyelles pour des consonnes, on n'écoute pas plus de secondes. Je dis un truc pour un bidule, et puis machin pour chose. À mon âge, c'est quand même trop nul de voir la vie en névrose. La vie en névrose. Je ne dors que d'un œil, j'examine mon état. Autant faire le deuil de ma gigote d'autrefois. Adieu les idées claires, la logique implacable. Je comprends tout de travers, je crois que je suis en train de péter un câble. Je peux plus parler à personne, je souffre tout le monde. Je prends les voyelles pour des consonnes, on n'écoute pas plus de secondes. Je dis un truc pour un bidule, et puis machin pour chose. À mon âge, c'est quand même trop nul de voir la vie en névrose. Là, la la la la la la la la la la la la. Je vois la vie en névrose. Là, la la la la la la la la la la la la. Je vois la vie en névrose. Mais comment fais-je, me direz-vous, pour vous chanter tout ça? Si je perds la tête, que je deviens fou. Comment écrire cette chanson-là? C'est simplement que j'écris ça avant que ça ne me tombe dessus. Au départ, ça ne parlait pas de moi, mais de... c'est comment déjà? Je me souviens plus. Je peux plus parler à personne, je souffre en tout le monde. Je prends les voyelles pour des consonnes, on n'écoute pas plus de secondes. Je dis un truc pour un bidule, et puis machin pour chose. À mon âge, c'est quand même trop nul de voir la vie en névrose. La vie en névrose. La vie en névrose. La vie en est rose.